Le match de vendredi, je me suis entretenu avec Jérémy Fortin de Dolbeau Mistassini. Jérémy Fortin, qui, ce qu'on a su aujourd'hui, va commencer l'année avec les Cataractes de Shawinigan, devrait jouer quelques matchs en attendant que les réguliers reviennent des camps d'entraînement de la Ligue nationale. Et il a signé avec une équipe de Longueuil dans la Ligue Junior 3. Donc on écoute l'entrevue que j'ai réalisée avec Jérémy Fortin de Dolbeau Mistassini immédiatement après le match de vendredi soir. De Dolbeau Mistassini. Salut Jérémy. Salut. Jérémy, comment ça va sur ton camp d'entraînement? Quand même, c'est bien là. Je dirais que je suis content d'avoir joué avec Robert Val. OK. Est-ce que on t'a confirmé pour le moment là, que tu vas faire partie de l'animal des Cataractes? Pas pour le moment, parce qu'il y a encore deux joueurs qui vont aller. Il y a plein de joueurs en fait plein d'attaquants qui vont aller dans des camps professionnels. Fait que mon poids, c'est pas encore vraiment déterminé. Mais pour le moment, j'ai signé avec le Junior 3 de Longueuil. Collège français. Fait que en attendant, je vais faire des up and down un peu entre le junior majeur et le junior 3. Là. On va voir ce qui va se passer avec les joueurs professionnels. Le fait que Claude Bouchard est l'entraîneur qui te connaît avec les élites, est-ce que ça t'a aidé? Je pense pas. J'ai vraiment connu un bon camp d'entraînement. Je me suis vraiment bien entraîné cet été. Puis, j'ai tout ce que j'avais dans le camp d'entraînement. Fait que je pense que ça va aider. Puis, Claude aime ça. Jérémy, on va-tu le tour de la saison?